Quand l'oubouillé vint de l'aurore, quand l'oubouillé vint de l'aurore, planta qui l'a guillado, aïe, oh, planta qui l'a guillado, oh. Trapassa fin al pé del foc, trapassa fin al pé del foc, triste desconsolado, aïe, triste desconsolado, oh. Se si es malauta, digas oc. Se si es malauta, digas oc. Te farem de tisano, aïe, te farem de tisano, oh. Amb un fuello de caulé, amb un fuello de caulé, e trece se mal d'aigo, aïe, e trece se mal d'aigo, oh. Quand serai morto en ta ramè, quand serai morto en ta ramè, al plus fond de la cave, aïe, al plus fond de la cave, oh. Med melus pes a la pared, med melus pes a la pared, lo cap just la canelo, aïe, lo cap just la canelo, oh. Tous los romius que passaran, tous los romius que passaran, prendront l'aigua senyado, aïe, prendront l'aigua senyado, oh. E diran qu'elle est mort ici, et diran qu'elle est mort ici, à cause la parrogiano, aïe, à cause la parrogiano, oh. Che ne s'è andato al paradiso, che ne s'è andato al paradiso, al cielo ambe sa scavo, aiuiui, al cielo ambe sa scavo, oh.